Radiomatique. We'll be right back. Pour amorcer la transmission 5-1-0 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation norvégienne Red Kite. De son premier album homonyme paru en 2019, il nous interprétait la pièce Focus on Insanity. Et maintenant, c'est au tour du groupe suédois Dumbcraft d'assurer la continuité à Audiomatique. the nocturnal house. I taste the death upon your teeth. Girl, you're my Dracula, the end of electricity. Crawling through the midnight garden, lost in endless miles of weeds. The super wide tarantula, it's the blackest, bloodiest. Nous avions droit à Audiomatic au groupe suédois Domcraft du mini-album Slow Fidelity sorti en 2019. Nous avons entendu la chanson Where We Part Ways. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation norvégienne Grand General. Thank you. C'était à Audiomatic le défunt groupe anglais Lunatic Calm de son premier album Metropole sorti en 1997. Nous vous avons offert la chanson Neon Ray. Précédemment à Lunatic Calm, il s'agissait de la formation norvégienne Grand General avec la pièce Antics, extraite de leur premier album homonyme lancé en 2013. En conclusion de cette transmission 510 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe anglo-néo-zélandais The Veils, de son troisième album Sun Gangs, sorti en 2009. Nous entendrons la chanson Lark Spur. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc The Veils et la chanson Lark Spur. C'était Audiomatic avec les sonoristes. hand from the earth. I pull his hand from the earth. Something got a hold on me. That something got a hold on me.